Cependant, le corps était étendu sur mon divan et, assisté d'une servante, je m'occupais des derniers préparatifs quand la mère entra dans mon atelier. Elle voulait, disait-elle, voir le cadavre de son fils. Je ne pouvais pas, en vérité, l'empêcher de s'enivrer de son malheur et lui refuser cette suprême et sombre consolation. Ensuite, elle me pria de lui montrer l'endroit où son petit s'était pendu. « Oh non, madame, lui répondis-je, cela vous ferait mal. » Et comme involontairement, mes yeux se tournaient vers la funèbre armoire, je m'aperçus, avec un dégoût mêlé d'horreur et de colère, que le clou était resté fiché dans la paroi, avec un long bout de corde qui traînait encore. Je m'élançai vivement pour arracher ces derniers vestiges du malheur, et comme j'allais le lancer au dehors par la fenêtre ouverte, la pauvre femme saisit mon bras et me dit, d'une voix irrésistible, « Oh, monsieur, laissez-moi cela, je vous en prie, je vous en supplie. » Son désespoir l'avait sans doute, me parut-il, tellement affolée, qu'elle s'éprenait de tendresse maintenant pour ce qui avait servi d'instrument à la mort de son fils et le voulait garder comme une horrible et chère relique. Et elle s'empara du clou et de la ficelle. Enfin, enfin, tout était accompli. Il ne restait plus qu'à me remettre au travail, plus vivement encore que d'habitude, pour chasser peu à peu ce petit cadavre qui hantait les replis de mon cerveau et dont le fantôme me fatiguait de ses grands yeux fixes. Mais le lendemain, je reçus un paquet de lettres, les unes des locataires de ma maison, quelques autres des maisons voisines, l'une du premier étage, l'autre du second, l'autre du troisième, et ainsi de suite, les unes en style méplaisant, comme cherchant à déguiser sous un apparent badinage la sincérité de la demande, les autres lourdement effrontées et sans orthographe, mais toutes tendant au même but, c'est-à-dire obtenir de moi un morceau de la funeste et béatifique corde. Parmi les signataires, il y avait, je dois le dire, plus de femmes que d'hommes. Mais tous, croyez-le bien, n'appartenaient pas à la classe infime et vulgaire. J'ai gardé ces lettres. Et alors, soudainement, une lueur se fit dans mon cerveau, et je compris pourquoi la mère tenait tant à m'arracher la ficelle, et par quel commerce elle entendait se consoler.